بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأما بعد. On commence aujourd'hui le cours 96 dans l'explication du livre de Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymeen, شرح عقيدة أهل السنة والجماعة. Et on est arrivé donc, on est toujours dans le chapitre à propos de le sixième pilier de la foi qui est al-Imanu bil-Qadar. Et on est à la fin. Donc on termine ce pilier-là, Inch'Allah. Et le cheikh, il mentionnait quelques points qu'on a commencé à expliquer dans les cours précédents à propos de Al-Maratib Al-Arba'a. Donc ça, on les avait expliqués. Par rapport, et puis on a parlé aussi par rapport à Al-Khalq. نعم قوله فأتوا حرثكم من ناشئتم وتوجيه الأمر والنهي إلى العبد ومدح المحسن و... ok, donc il expliquait les preuves pour réfuter les qadariyah, ou plutôt les jabriyah, les preuves pour réfuter les jabriyah, ou les arguments contre les jabriyah qui prétendent que l'être humain, finalement, il n'a pas de volonté, il n'a pas de capacité. Tout ce qu'il fait, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui fait faire. Et qu'il n'a pas de volonté, il n'a pas de choix dans ce qu'il fait. Et tout ça, c'est clair que c'est batil. Et il y a des arguments qui prouvent que l'être humain, il est responsable et libre de ses actions, et qu'il a une volonté et il a une capacité. Et justement, le fait que celui qui fait le bien, il est glorifié, tandis que celui qui fait du mal, il est blâmé. Et la récompense et le châtiment qui ont été mentionnés par Allah subhanahu wa ta'ala, pour celui qui fait le bien, il est récompensé, celui qui fait le mal, il va être puni, et ainsi de suite. Tout ça, ça indique que il y a une responsabilité de la part du serviteur. Le point numéro 4 par rapport à ces arguments-là, أن الله تعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ولولا أن فعل العبد يقع بإرادته واختياره ما بطلت حجته بإرسال الرسل. Donc un argument que le cheikh il a mentionné ici, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé les messagers à l'humanité, il dit dans le verset 165 dans Sourate An-Nisa que ce sont des messagers qui ont été envoyés comme annonciateurs d'une bonne nouvelle et avertisseurs contre un châtiment. Pour pas que les hommes puissent avoir un argument sur Allah après qu'il ait envoyé les messagers. Une fois qu'Allah a envoyé les messagers, personne n'a d'argument devant Allah au jour de la résurrection parce que le message a été transmis. Et donc il dit, si l'être humain, ce qu'il fait, n'arrivait pas selon sa volonté et son choix, eh bien, le fait que Allah ait envoyé les messagers n'aurait pas été quelque chose qui annule l'argument contre Allah subhanahu wa ta'ala. Puisqu'ils auraient pu dire, ils auraient dit, oui, mais on a fait, qu'est-ce qu'on a fait? Les messagers sont venus, mais on n'avait aucun choix dans notre façon d'agir. On était comme forcés de faire ce qu'on faisait. Donc, on ne mérite pas d'être puni pour avoir désobéi, puisque même si les messagers sont venus, on ne choisissait pas nos œuvres. Et on n'avait pas de libre arbitre. Et ça, c'est faux. Cheikh Ibn Uthaymeen, il explique ça, il dit « فَاللَّهُ تَعَلَىٰ أَرْسَلَ الرُّسُلْ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ ثُمَّ قَالَ لِأَنْ لَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلْ فَلَوْلَا أَنَّ الْإِنسَانَ يَفْعَلُ باختياره وإرادته ما قامت الحجة بإرسال الرسل لأن الذين أرسل إليهم قد يقولون يا ربنا لا نستطيع أن نفعل ولا أن نترك فالأمر ليس إلينا وعليه فيكون إرسال الرسل ليس فيه فائدة فإذا قلنا إن الإنسان ليس له إرادة ولا اختيار فما الفائدة من أن ترسل رسولا لشخص لا يستطيع شيئا لا فائدة ولا معنى والله عز وجل أخبر بأن إرسال الرسل تقوم به الحجة لأن الناس يعصون الرسل باختيارهم ويطيعونهم باختيارهم، وهذا وجه واضح، وكل هذه الأوجه رد على الجبرية. Donc ici, le cheikh, il explique ça. Il dit, yani, si c'était yani, le fait que l'être humain n'a aucune volonté ni de choix, même si Allah a envoyé les messagers comme pour établir la preuve contre les êtres humains, eh bien, la preuve n'aurait toujours pas été suffisante, puisque il dirait à Allah, Ya Allah, Ya Rabbana, ô notre Seigneur, on n'a pas la capacité de faire, ni de délaisser. Hein? Ce n'est pas nous-mêmes qui avons la décision ou le choix de nos œuvres. Hein? Tout ce qu'on fait, c'est toi qui nous fais faire ce que tu veux, et nous, on n'a aucune décision dans qu'est-ce qu'on fait. Donc, ça veut dire qu'à la fin, l'envoi des messagers aurait été inutile. Et ça n'aurait servi à rien. Et il dit, le cher, que... et donc, si on dit que l'être humain n'a pas de volonté, il n'a pas de choix, donc à quoi sert d'avoir envoyé des messagers à quelqu'un qui n'a aucun choix et qui n'a aucune capacité de faire quoi que ce soit? Donc, il n'y aurait eu à cela aucune signification et aucun bienfait. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc, il nous a informé dans le Coran qu'il a envoyé les messagers dans le but d'établir la preuve contre l'humanité. Donc, les êtres humains qui désobéissent aux messagers, ils désobéissent aux messagers de leur propre gré. Et quand ils décident d'obéir aux messagers, eh bien, ils décident d'obéir aux messagers de leur propre gré. Et donc, ça, c'est une preuve qui est claire à ce sujet-là. Et donc, tous ces différents points de vue et des explications qui sont mentionnées sont des réfutations contre la secte des Jabriya, c'est-à-dire ceux qui nie que le serviteur a un choix ou une capacité dans ses actions. Et parmi les gens qui ont cette croyance-là, on a déjà dit qu'il y avait les Jahmiya, de même que également certains parmi les Soufia qui ont cette croyance-là, en particulier ceux qui croient en Wahdatul Wujud et des choses de ce genre. Ensuite, le cinquième argument que يعني الشيخ لما مسؤولين زي الخامس أن كل فاعل يحس أنه يفعل الشيء أو يتركه بدون أي شعور بإكراه فهو يقوم ويقعد يقوم ويقعد ويدخل ويخرج ويسافر ويقيم بمحض إرادته ولا يشعر بأن أحدا يكرهه على ذلك بل يفرق تفريقا واقعيا بين أن يفعل الشيء باختياره وبين أن يكرهه عليه مكره وكذلك فرق الشرع بينهما تفريقا حكيما فلم يؤاخذ الفاعل بما يفعله مكرها عليه فيما يتعلق بحق الله تعالى. Donc ici le cheikh il mentionne comme cinquième argument le fait que toute personne qui agit quand elle fait quelque chose, elle ressent en elle-même lorsqu'elle fait quelque chose ou lorsqu'elle ne fait pas quelque chose ou qu'elle décide de laisser quelque chose, elle ne ressent pas qu'il y a quoi que ce soit qui est en train de le forcer à faire quelque chose qu'elle ne veut pas faire ou qui l'empêche de faire quelque chose qu'il a envie de faire. Lorsque, par exemple, tu décides de prendre, par exemple, la bouteille d'eau pour boire, est-ce que tu sens une force qui te retient pour que tu puisses pas arriver à prendre cette bouteille d'eau là? Non. Et quand tu veux la poser, est-ce que tu sens qu'il y a quelqu'un qui t'empêche ou quelque chose, une force qui t'empêche de la remettre? Tu ressens pas ça. Quand tu décides, tu prends et tu remets, tu sens pas aucune contrainte dans tes gestes, dans tes décisions, dans tes choix. D'accord? Donc, il dit, le cheikh, l'être humain, il décide de se lever, de s'asseoir, de rentrer, de sortir, de voyager, de rester. Hein, et tout ça, il le fait par sa propre volonté. Hein. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Peut-être que ça... ça m'est arrivé souvent d'aller... Je sors de chez moi, je m'en vais quelque part, puis je marche, puis tout d'un coup, en chemin, je m'arrête, puis je dis, finalement, je n'ai pas vraiment envie d'aller à cet endroit. Hein? Alors, tu décides finalement, au lieu d'aller à cet endroit-là, tu décides d'aller ailleurs. Hein? Et donc, Yanni, est-ce que tu as senti à ce moment-là, quand tu as changé d'idée, que Quelqu'un te force à faire ce changement-là. Non, tu l'as décidé de ton propre gré. Hein? C'est toi-même qui décides ça. Et donc, yani, même qu'il dit que dans la charia, les ulama, ils distinguent aussi hein, entre les gens qui sont forcés à faire quelque chose à cause de quelqu'un qui les contraint à faire quelque chose. Hein? Et qu'il y a une différence entre un acte que tu fais de ton plein gré et un acte que tu fais parce que quelqu'un te force à le faire. Hein? C'est comme par exemple, même que le cheikh, il mentionne même que quelqu'un, il ne sera même pas tenu responsable ni puni pour quelque chose qu'il aurait fait sous la contrainte lorsqu'il s'agit du droit d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est touché ou qui est concerné. L'exemple de ça, c'est lorsque quelqu'un, par exemple, un mushrik ou un kafir, qui te menacerait avec une arme hein, de te tuer, sauf si tu acceptes yani, d'adorer autre que Allah ou de dire une parole de kufr. Et dans des cas comme ça, les ulama, ils disent, comme Allah, subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le Coran, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, excepté celui qui a été contraint alors que son cœur est en sérénité par rapport à la foi. Donc ça veut dire que s'il est en paix dans son cœur et il a la foi dans son cœur, mais qu'on l'a contraint, on l'a menacé que yani, il va être tué s'il va pas dire une parole de kofre. Donc s'il dit cette parole de kofre sous la contrainte, il ne sera pas tenu yani, responsable de ça, il ne va pas être puni pour ça. Et même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Ammar ibn Yasir, radiallahu anhu, lorsque justement il avait dit une parole de kofre, il l'a dit sous la contrainte, hein, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, fa in adu fa'ud. C'est-à-dire, s'ils reviennent pour te menacer encore une fois, puis te contraindre encore une fois à dire des paroles de kufr, alors dis-le encore, hein, pour te sauver de leur torture et de leur menace et de leur, peut-être même de la mort. D'accord? Donc, ici, ensuite, le cheikh Ibn Uthaymin, il explique, il dit, « وَهَذَا أَيْضًا وَجْهٌ مَحْسُوسٌ ظَاهِرٌ ۚ Il dit, « فَكُلُّ إِنسَانٍ يَحُسُّ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ بِاخْتِيَارِهِ وَيَأْتِي الْإِنسَانُ وَلَا يَشْعُرُ أَنَّ أَحَدًا يُكْرِهَهُ وَكَذَلِكَ أَيْضًا يَتْرُكُ الشَّيْءَ وَلَا يَحُسُّ أَنَّ أَحَدًا يُكْرِهُهُ وَلَوْ كَانَ الْإِنسَانُ لَيْسَ لَهُ إِرَادَةٌ لَكَانَ يُكْرَهُ عَلَى هَذَا الشَّيْءِ بل إن الإنسان يفرق بين ما فعله باختياره وما فعله بإكراه. Donc il mentionne la même chose que qu'est-ce qu'on vient d'expliquer. Et un autre exemple aussi de ça, c'est qu'il y a des actes que notre corps fait qui sont faits yani, sans qu'on ait aucune décision, sans aucun choix là-dedans. Par exemple, les battements de notre cœur, ou bien notre respiration, hein, ou bien le clignement de nos yeux. Toutes ces choses-là sont des choses qui sont contrôlées par Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas de décision là-dedans. C'est-à-dire que moi, là maintenant, même si je veux, je ne suis pas capable d'arrêter mon cœur de battre. Hein? Je ne peux pas contrôler ce muscle hein, pour le stopper. Et ma respiration, bon, je peux retenir mon souffle pour un certain temps, mais tôt ou tard, il faut que je respire. Hein? Yani, si quelqu'un il a un besoin ou une envie, hein, par exemple, ben, il peut se retenir un certain temps, mais à un moment donné, il est obligé yani, de laisser sortir les choses qui veulent sortir. Si par exemple, il a pas mangé pendant trop longtemps, c'est sûr que tôt ou tard, il va être affamé et yani, il faut qu'il mange. Ça, ce n'est pas des choses qu'on contrôle. Hein? C'est des choses qui sont hors de notre contrôle. Mais ça, c'est différent. C'est différent par rapport à nos actes, hein? À nos gestes qu'on fait, qui sont réfléchis, qui sont choisis, qui sont hein, volontaires. Hein? Et on voit clairement la distinction entre ces différentes, hein? Ces différents comportements, ces différents mouvements-là. Des choses qui sont faites, qui sont automatiques, si on veut, et d'autres qui sont yani, choisis, réfléchis et qui sont faits avec notre choix, notre décision personnelle. Donc le cheikh dit, فَلَوْ قُلْتَ مَثَلًا لِشَخْصٍ قُمْ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا لِي إِرَادَةٌ فِي الْقِيَامِ فَقُلْتَ قُمْ إِلَّا فَصَوْتٌ فِي ظَهْرِكَ وَقَامَ خَوْفًا مِنَ الصَّوْتِ فَهَذَا مُكْرَهٌ فَفَرْقٌ بَيْنَ أَنْ تَقُولَ لَهُ قُمْ فَيَقُولُ أَهْلًا وَسَهْلًا فَيَقُومُ وَهَذَا قَامَ بِاخْتِيَارِهِ إِذَنْ كُلُّ إِنْسَانٍ يَحُسُّ بِالْفَرْقِ بَيْنَ مَا يَفْعَلُهُ كُرْهًا وَمَا يَفْعَلُهُ عَنْ رِضَى أَمَّا الْجَبْرِيَّةُ فَيَقُولُونَ كُلُّهَا سَوَاءٌ فَشَخْصٌ أَلْقَاكَ مِنَ السُّطْحِ إِلَى الْأَرْضِ فَهَذَا نُزُولٌ قَهْرِيٌّ وَإِنْسَانٌ نَزَلَ مِنَ السُّطْحِ إِلَى الْأَرْضِ بِالدَّرَجِ وَهَذَا نُزُولٌ اخْتِيَارِيٌّ لَا شَكَّ وَكُلٌّ يَعْرِفُ الْفَرْقَ بَيْنَ هَذَا وَهَذَا وَهُمَا عِنْدَ الْجَبْرِيَّةِ سَوَاءٌ فَانْظُرْ كَيْفَ الْعُقُولُ ولهذا نحن نقول إن المعتزلة أقرب إلى المعقول من الجبرية لأن الجبرية قولهم لا يتصور أن يقبله أحد. Il dit le cheikh, un autre exemple, si tu dis à quelqu'un par exemple, lève-toi. Et il dit, Wallahi, j'ai pas envie de me lever. Alors tu lui dis, soit tu te lèves ou bien yani, je vais te fouetter ton dos. Et que il a, par la peur du fouet, il se lève. Alors ça, c'est quelqu'un qui est contraint. Et il y a une différence entre celui qui refuse et que tu es obligé de le contraindre pour qu'il fasse quelque chose et celui que tu lui dis, lève-toi, puis il dit, d'accord, je me lève tout de suite. Hein? Et celui-là, il l'a fait de son plein gré et il a choisi de se lever directement. Donc, il y a une différence entre le premier et le deuxième. Et il dit donc, chaque personne, il ressent la différence entre ce qu'il fait de son plein gré et ce qu'il fait par contrainte. Et toutefois, les Jabriya, eux, ils considèrent que les deux, c'est la même chose. Ils considèrent que celui qui fait par contrainte ou qui le fait de son propre gré, que les deux, c'est pareil. Donc, il dit, même si quelqu'un, par exemple, il s'est fait pousser en bas du toit, qu'il est tombé en bas par terre, tandis que l'autre, il est descendu par l'escalier pour descendre jusqu'en bas, c'est sûr qu'il y en a un, il l'a fait de son plein gré et l'autre, on l'a poussé. Mais pour les Jabriya, c'est la même chose pour les deux. On dit, voyez comment les gens, parfois, ils pensent des choses ou ils ont des croyances qui sont complètement insensées, contraires à la raison. Et donc, il dit ici, vous voyez par exemple, pourquoi on dit que la croyance des Mu'tazila, elle est plus proche de qu'est-ce qui est raisonnable et de qu'est-ce qui est logique que celle des Jabriya. Parce que celle des Jabriya, yani, tu ne peux pas imaginer quelqu'un qui accepterait ce genre de croyance-là. Hein? Ça fait pas de sens. Et les premiers qui à qui tu peux, bon, par exemple, si quelqu'un qui te dirait par exemple, moi j'ai qu'il a la croyance des Jabriya, dit non, on choisit pas nos actions, on est forcé de faire ce qu'on fait, on n'a pas de liberté. Hein? N'importe quelle de ces personnes là, si tu les frappes par exemple, que tu leur donnes un coup de poing ou quelque chose comme ça. Hein? Et il va pas accepter que tu le frappes comme ça. Il va dire, mais pourquoi tu m'as frappé? Ça, c'est pas correct. Pourtant, il croit que ce que les êtres humains font ou ce que les créatures font, ils ne le font pas librement. Donc, tu lui dis, mais c'est pas moi qui t'a frappé. Hein? J'ai pas de liberté. Selon ce que tu dis, c'est Allah qui fait ça. Donc là, lui-même, il va pas accepter ça. C'est la preuve contre lui. Hein? Ben oui, ça c'est un exemple. Hein? C'est comme l'exemple de Omar qui a dit à celui qui avait volé, hein, quand il a dit « j'ai volé par le qadar d'Allah », il dit ben, « je vais te couper la main par le qadar d'Allah ». C'est exactement la même chose. « Nu'alijul qadar bil qadar ». On remédie au qadar par le qadar. Donc le cheikh il dit « walidhalika yaqul bal » Donc, c'est ça, par exemple, si, supposons, par exemple, que, donc, ça n'a pas rapport avec le sujet, mais c'est juste pour dire, par exemple, quelqu'un, les koufars, des fois, ils disent, ah, vous, les musulmans, vous êtes fatalistes. C'est-à-dire, Quand vous voyez que quelque chose fonctionne pas ou marche pas, vous dites, ah, c'est le qadar, après vous abandonnez. Parce que beaucoup de musulmans, peut-être qu'ils ont justement la croyance des Jabriya. Et ceux, beaucoup parmi les justement parmi les Ash'ara, ils ont une forme de Jabr, hein, de Jabriya dans leur Aqida. Et à cause de ça, justement, ils ont cette attitude. Donc, eux, ils ont généralisé, mais cette aqida, ce n'est pas la aqida de Ahl Sunnati wal Jama'a. La aqida de Ahl Sunnati wal Jama'a, hein, ce n'est pas ça. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, si quelqu'un, il doit, par exemple, aller quelque part, il a un rendez-vous, ou bien il doit aller prendre son vol, il a un avion à telle heure, et puis qu'il ne lui reste pas beaucoup de temps. Hein. Donc, s'il part, par exemple, il sort, puis. Il voit que par exemple il y a quelque chose sur le chemin qui le ralentit ou qui l'empêche d'arriver. Il me dit, ah, c'est le qadar. Ça veut dire, je dois pas insister ou me forcer pour y aller. Si ça marche pas, ça veut dire c'est Allah qui veut pas que j'aille mon avion, que je prenne mon avion. Alors que, yani, si tu, au contraire, tu dis, non, Allah subhanahu wa ta'ala, yani, il a mis par exemple des obstacles sur le chemin, mais c'est pour que je fasse plus d'efforts pour essayer d'arriver, hein? Pour que je me dépêche plus, ou bien pour que je trouve une autre solution pour y arriver. Et si tu fais les efforts, yani, Allah subhanahu wa ta'ala, il va te faire arriver justement à ton rendez-vous à l'heure, mais en faisant les causes et en étant déterminé, puis en faisant les moyens, par exemple, tu dis, ben, si je vais là-bas en marchant, c'est sûr que je vais être en retard. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu vas courir. Hein? Tu vas courir, puis tu vas arriver à l'heure, hein, par exemple. Donc, il y a plein d'exemples de choses comme ça. Il y a des gens qui vont se dire, s'il y a des choses dans leur vie, il y a des petits obstacles ou des petites difficultés qui se présentent dans leur vie. Eux, il y en a des gens qui prennent ça comme un signe. Ah, si ça ne marche pas, ça veut dire. Ou bien si tout va pas parfaitement, ça veut dire que Allah il veut pas que je le fasse. Ou bien Allah subhanahu il veut pas que j'aille cette chose-là. Alors que des fois c'est pas ça nécessairement. Tant que la chose s'est pas produite ou la chose n'est pas passée, il y a encore la possibilité de faire les efforts pour atteindre, hein, cet objectif-là. D'accord? Et donc c'est pour ça qu'il faut pas abandonner jusqu'à ce que on n'ait plus de possibilités ou d'espoir de vraiment réussir. Et il faut toujours être, disons, c'est-à-dire être déterminé puis faire les efforts. Je me rappelle à l'époque où je devais partir pour aller étudier en Arabie Saoudite. Et subhanallah, j'avais reçu, je ne me rappelle plus qu'est-ce qui était arrivé, mais subhanallah, il fallait que j'aille avec mon passeport. C'était pas pour étudier à cette époque-là. Quand je suis parti, j'étais parti pour faire une umrah, je crois. Ou pour étudier en même temps. En tout cas, je ne me rappelle plus exactement. Puis, quand je suis parti à Ottawa, parce qu'à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, les agences de voyage qui donnent les visas. À l'époque, il fallait chercher son visa à Ottawa, directement à l'ambassade saoudienne. Alors, moi, j'ai pris le bus de Montréal pour aller à Ottawa. Je suis arrivé là-bas et yani, une fois descendu de parce que j'avais besoin de mon pa j'avais mon billet d'avion, il me manquait juste le visa. Et le temps pour aller chercher le visa, il fallait que je parte tôt le matin. Donc j'étais parti très tôt le matin pour arriver au centre-ville à la station d'autobus. Une fois arrivé à la station d'autobus, prendre le bus jusqu'à Ottawa. Une fois arrivé à Ottawa, prendre le taxi pour arriver à l'ambassade. Après l'ambassade, taxi jusqu'à la station, encore une fois, prendre le bus pour revenir à Montréal. Mais là, l'autobus est en retour, est en route vers Montréal. Et j'ai dit, ben, c'est certain que si on retourne au centre-ville, puis que après je dois aller chercher mes bagages, puis aller prendre l'avion, que je vais manquer l'avion. Ça, c'est certain. Alors, pendant qu'on était en route vers Montréal, le chauffeur du bus a dit, on va arrêter, on fait un stop à l'aéroport. Alors moi j'ai dit, s'il fait le stop à l'aéroport, comme ça, là, si j'arrive à l'aéroport, je pourrais prendre mon avion. Hein? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé un frère qui était ici à Montréal. J'ai dit, va chez moi, cherche mes bagages et viens me les apporter à l'aéroport. Comme ça, je n'ai pas besoin d'aller chez moi pour les chercher. Comme ça, je ne vais pas manquer mon vol. Eh bien, subhanallah, le frère était passé chez moi, est allé chercher mes bagages et allez, me les ramener. Et je pense qu'à l'époque, je n'avais pas de téléphone cellulaire. J'ai emprunté le téléphone de quelqu'un qui était assis à côté de moi dans le bus pour lui demander est-ce que je peux téléphoner. Et c'est à ce moment-là que quand j'ai parlé avec le frère, je lui ai dit, va chercher mes bagages. Il me les a apportés à l'aéroport. J'ai pu prendre mon vol et je suis arrivé à temps. Donc c'est pour dire, yani, subhanallah, j'aurais pu dire, ah mais ça y est, c'est perdu, c'est fini. Hein, je vais le manquer ce vol. Mais yani, des fois, tu dis, non, je vais mettre ma confiance en Allah, puis je vais faire les causes, et puis, bi'idhnillah, ça va marcher. Et puis, alhamdoulillah, yani, Allah subhanahu wa ta'ala te donne le tawfiq, et puis les choses fonctionnent. Mais des fois, il faut faire l'effort. Mais il y a des gens qui se découragent vite, ou bien qui voient pas la possibilité, même ils vont dire, ah non, mais si ça marche pas bien, il faut que ça aille, tout se passe comme il faut que ce soit à la perfection, que tout passe comme tout se passe à la manière idéale et parfaite. Sinon, ils disent, ah, mais ça c'est un mauvais signe, ça veut dire qu'Allah il veut pas. Non, qui t'a dit ça? Ça veut pas dire qu'Allah il veut pas, ça veut dire que tu dois juste faire plus d'efforts, c'est tout. Hein? Donc, alhamdoulillah, rabbil alamin. Donc, on n'est pas les musulmans, c'est faux de dire que les musulmans sont des fatalistes ou bien que, yani, disons qu'ils se laissent et juste avancer par le vent comme ça, là. Hein? Comme un bateau à la dérive sur l'océan ou bien une plume qui se laisse diriger par le vent. Là où le vent l'amène, il va. Sans qu'il ait aucune volonté ou aucun choix ou aucune décision dans ses actions. Non. Hein? Même si tout est prédestiné, ça ne veut pas dire que on ne doit pas tout faire pour essayer d'arriver à nos objectifs en utilisant les causes et en faisant les choses nécessaires et les moyens nécessaires pour obtenir justement ce qu'on veut. Et si après avoir fait toutes les causes nécessaires et avoir utilisé tous les moyens licites pour y arriver, on n'a toujours pas réussi, alors là, on dit, qadar Allah, ma chafa'al, c'est Allah qui a prédestiné que ça n'allait pas fonctionner. Mais tu n'as pas yani, baissé les bras, tu n'as pas abandonné. Donc le cheikh, il dit ensuite, وَلِذَٰلِكَ يَقُولُ بَلْ يُفَرِّقُ تَفْرِيقًا وَاقَعِيًّا عَلَىٰ أَنْ يَفْعَلَ الشَّيْءَ بِاخْتِيَارِهِ وَبَيْنَ أَنْ يُكْرِهَهُ عَلَيْهِ مُكْرِهٌ وكذلك فرق الشرع بينهما تفريقا حكيما فلم يؤاخذ الفاعل بما فعله مكرها عليه فيما يتعلق بحق الله فهل المكره على الشيء يعاقبه الله؟ لا حتى إن الله قال في أعظم الذنوب ومن كفر بالله من بعد إيمانه من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم فأعظم الذنوب عند الله تعالى الكفر ولو أكره الإنسان عليه وقلبه مطمئن بالإيمان لم يكفر والباقي من باب أولى. Donc le cheikh il dit, par rapport à l'exemple qu'il a donné, qu'on fait toujours la différence en réalité entre des choses que quelqu'un fait de son propre gré et quelque chose qu'il a fait sous la contrainte. Et même la charia, elle fait cette distinction-là, même dans la chose qui est considérée comme le plus grand péché, qui est le shirk ou le kufr. Il dit par exemple, est-ce que celui qui est contraint à faire quelque chose que Allah interdit, est-ce que Allah va le punir pour ça? Non, même si il a dit une parole de kofre ou qu'il a fait quelque chose qui est kofre. Et il donne l'exemple du verset 106 dans Sourate An-Nahl que j'ai mentionné, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie, donc celui qui a renié la foi en Allah après avoir cru, excepté celui qui est contraint, alors que son cœur est en sérénité, dans la foi. Toutefois, celui qui a ouvert son cœur à la mécréance, alors celui-là, yani, ceux-là, ils auront une colère de la part d'Allah et un châtiment immense. Donc, le cheikh, il dit que le plus pire des péchés, le plus grand des péchés pour Allah, qui est le kofr, hein, si quelqu'un est contraint à le faire et que son cœur est en tranquillité dans la foi, eh bien, il ne sera pas considéré comme étant kafir, il ne sera pas considéré comme ayant commis un péché tant que, hein, il a la foi. Et donc, si c'est le cas pour ce péché-là, donc les autres péchés encore plus. Il dit ensuite, وقولنا هنا فيما يتعلق بحق الله احترازا مما يتعلق بحق الآدم فإن الإنسان إذا أكره على إتلاف مال رجل وأتلفه فعليه الضمان بمال الآدم ولو أكره على قتل إنسان مثل ما لو أن رجلا ظالما جائرا قال لآخر اقتل هذا وإلا قتلتك فهل يقتله؟ لا يقتله، ولو قال له اقتله وإلا قتلتك فإنه لا يقتله يصبر على تحمل القتل لأنه لا يجوز استبقاء نفسه بإتلاف غيره ولو أن امرأة في بطنها جنين حي وقيل لها إما أن نقتل الجنين و تسلمين أنت وإما أن يبقى الجنين وتهلكين فإنه لا يجوز قتل الجنين بل يبقى الجنين ولو ماتت المرأة وإذا قال العقلانيون إذا بقي الجنين وماتت الأم لا بد أن يموت الجنين حينئذ نكون قد قتلنا نفسين وإذا قتلنا الجنين وأخرجناه يعني قتلنا نفسا واحدة والعقل يرى أن قتل نفس واحدة أهون من قتل نفسين فما الجواب؟ نقول إذا بقي الجنين في بطن الأم وماتت الأم ثم مات الجنين فموت الجنين هنا بفعل الله لا بفعلنا ولكن لو قتلنا الجنين صار الموت بفعلنا فلا يحل وهذه شبهة واقعة. على كل حال, donc le cheikh il explique ici, il dit que yani, dans l'explication par rapport à celui qui fait un acte sous la contrainte, le cheikh il a mentionné celui qui fait un acte sous la contrainte dans ce qui a rapport avec le droit d'Allah. Et il a spécifié seulement par rapport à ce qui est avec le droit d'Allah, que s'il fait un acte sous la contrainte, parmi les actes qui font partie des droits d'Allah, que dans ce cas-là, il ne sera pas, yani, il sera pas responsable ou ne sera pas puni pour ça. Par exemple, une parole de kofre qu'il a dit, ou un acte de shirk qu'il a fait, ou des choses de ce genre, sous la contrainte, il sera pardonné, excusé pour ça. Mais pourquoi? Parce que ça fait partie des droits d'Allah. Et il dit pourquoi? Parce que si il s'agissait du droit d'un autre être humain, eh bien là, ce ne serait pas la même chose. Par exemple, si quelqu'un, par exemple, te contraint à détruire les biens de quelqu'un d'autre, par exemple, il te dit, par exemple, soit tu casses la voiture ou tu mets le feu à la maison d'un tel, ou bien je te tue. Hein? Eh bien, dans ce cas-là, si par exemple tu brûles sa maison, eh bien tu serais considéré responsable de cet acte-là et tu aurais quand même à dédommager la personne pour avoir brûlé sa maison. Parce que c'est le droit d'un autre être humain, d'une créature. Et il dit par exemple, si quelqu'un te forçait à tuer une autre personne, donc si quelqu'un injuste, hein, un criminel qui vient te forcer à tuer quelqu'un d'autre. Il dit, soit que tu le tues ou bien je te tue, moi. C'est toi que je tue. Hein? Donc, il dit, dans ce cas-là, est-ce que tu as le droit, hein, de le tuer parce que tu dis, ben, je suis sous la contrainte? Non. Il dit, le cheikh, non. Tu n'as pas le droit de tuer quelqu'un, hein, dans des cas comme ça. Tu dois faire preuve de patience et d'endurance dans des situations comme ça. Et même tu dois supporter, même endurer la mort plutôt que de tuer quelqu'un d'autre. Hein, parce que tu n'as pas le droit de tuer quelqu'un d'autre ou d'enlever la vie à quelqu'un d'autre pour préserver la tienne. Hein? Et il dit par exemple, bon, il y a des exemples aussi que les ulémas, ils mentionnent, comme par exemple si quelqu'un il te force à faire le zina, ou bien il te force à faire la sodomie ou des péchés comme ça. La même chose. Tu n'as pas le droit, parce que ça, c'est le droit d'une autre personne. Ce n'est pas seulement un péché que tu fais ou quelque chose que tu fais qui a rapport avec les droits d'Allah seulement. Ça a rapport aussi avec les droits d'une autre créature. Ensuite, le cheikh, il mentionne un autre exemple par rapport au cas d'une femme qui aurait un bébé. Et par exemple, cet exemple, en tout cas, j'ai du mal à la saisir comme il faut. Donc, je vais passer par-dessus. Je ne vais pas la traduire parce que j'ai trouvé que l'exemple n'était pas clair. Ensuite, le cheikh, il dit, فَنَرَى أَنَّهُ لَا حُجَّةَ لِلْعَاصِي عَلَى مَعْصِيَتِهِ بِقَدَرِ اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّ الْعَاصِي يُقْدِمُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ بِاخْتِيَارِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ قَدَّرَهَا عَلَيْهِ وَإِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَحَدٌ قَدَرَ اللَّهِ إِلَّا بَعْدَ وُقُوعِ مَقْدُورِهِ وَمَا نَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا فَكَيْفَ يَصِحُّ الِاحْتِجَاجُ بِحُجَّةٍ لَا يَعْلَمُهَا الْمُحْتَجُّ بِهَا حِينَ إِقْدَامِهِ عَلَى مَا اعْتَذَرَ بِهَا عَنْهُ وَقَدْ أَبْطَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَدْ أَبْطَلَ اللَّهُ هذه الحجة بقوله سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. Donc, ici, le cheikh, il mentionne un point intéressant aussi, une réponse intéressante à une de leurs choubouhat. Il dit, et nous considérons qu'il n'y a pas d'argument pour celui qui fait des péchés dans son péché, c'est-à-dire, il n'y a pas d'argument pour lui dans le fait de mentionner le qadar pour justifier son péché. Il n'y a pas d'argument pour lui dans le qadar. Parce que la personne qui fait son péché, elle a fait son péché de son plein gré, hein, sans même savoir à l'avance ce que Allah avait prédestiné. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'exemple que je vous ai mentionné tout à l'heure, hein, dans l'exemple que je vous ai mentionné tout à l'heure, si quelqu'un, par exemple, il a son avion, il doit partir, son vol est à, par exemple, telle heure, hein. Et il part pour y aller, puis il voit que il risque d'être en retard parce qu'il y a un gros embouteillage. Et il dit, ah, il dit, ah, Qadar Allah, j'ai manqué mon vol. Alors que, en réalité, si il se dépêchait ou bien s'il cherchait une autre solution, il pourrait arriver à attraper son vol. D'accord? Sauf qu'il ne veut pas en fait se forcer, alors il dit Qadar Allah. Mais tu peux pas savoir qu'est-ce que c'est le Qadar d'Allah jusqu'à ce que. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Tu peux pas savoir ce que c'est le Qadar d'Allah jusqu'à ce que la chose ne se soit pas produite. Hein? Donc, une fois que le vol, tu l'as réellement manqué parce que l'heure du vol est passée, là tu peux dire oui, Qadar Allah. Mais attends qu'il y a encore la possibilité de l'attraper, hein? Tu peux pas dire ça. C'est comme par exemple, il y a quelqu'un qui est allé demander la main d'une femme en mariage. Donc il est allé, il a rencontré la fille, il a rencontré la famille. Et là, il est reparti chez lui, et là, il attend. Là, comme par exemple, quelques jours plus tard, il rencontre la famille, le père ou le père ou le frère de la fille. Puis il dit, et finalement, qu'est-ce que c'est la réponse? Hein? Alors, le père qui répond, il dit, ah, Allah, il n'a pas prédestiné ça. Ma qaddar Allah. J'ai dit, mais comment, comme si j'ai dit, mais comment tu peux dire ça, que Allah n'a pas prédestiné ça, parce que yani, le qadar, c'est qu'est-ce qui est écrit par Allah, mais toi, tu sais pas qu'est-ce qui est écrit par Allah. Donc, comment tu peux dire que Allah, il l'a pas écrit? Ouais, non, dis, tu veux pas. Dis pas, Allah, il l'a pas prédestiné, parce que tu sais pas le qadar d'Allah. Hein? Donc, les gens, des fois, ils ont ce genre de réponse. C'est comme ça, les gens qui disent Al-Maktoub, hein, c'est ce qui est écrit. Mais c'est une façon pour dire, yani, qu'en réalité, ils n'ont pas vraiment compris le qadar. C'est comme certaines personnes qui disent, par exemple, quand tu lui dis, Ya akhi, fais la salat, pourquoi tu fais pas la salat? Yani, idha qaddar Allah, yani, ça usalli. Pourquoi tu fais pas la salat? Fais la salat, mon frère. Il dit, mec, Inch'Allah, quand Allah il va le prédestiner que je vais faire la prière, je vais faire la prière. Yani, donc, tu vois ce genre d'argument-là. C'est comme si ils voulaient dire que ce n'était pas eux qui contrôlent leurs actions, ce n'est pas eux qui choisissent de ne pas la faire. C'est Allah qui n'a pas voulu qu'ils la fassent. Comme si Allah les empêchait, hein, réellement de le faire, alors que eux ils veulent, mais ce n'est pas le qadar. Et ça, c'est grave. Et le cheikh, il dit, yani, donc, il n'y a pas d'argument pour celui qui désobéit à Allah d'utiliser ou de mentionner le qadar, parce que la personne qui fait le péché ou qui refuse de faire ce qui est obligatoire, elle le fait. Si elle le fait, le péché, c'est par son propre gré. Si elle refuse de faire ce qui est obligatoire, c'est par son propre gré. Si la femme, par exemple, elle veut pas mettre le hijab, tu lui dis, mais ma soeur, pourquoi tu portes pas le hijab? Ah, mais Allah, il l'a pas prédestiné. Hein? Ma qaddar Allah, encore. Yani, quand Allah il va prédestiner, je vais le mettre. Yani, subhanallah. Donc, il dit, comment tu peux dire ça sans même que tu saches réellement qu'est-ce que c'est le qadar d'Allah? Hein? Tu peux pas dire ça puisque tu connais pas le qadar d'Allah. Tu sais pas qu'est-ce que Allah a écrit dans le Lawh al-Mahfouz. Mais ce que tu sais, par contre, c'est ce que Allah a écrit dans le Coran. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans la sunna, que ça c'est obligatoire. Et Allah il t'a donné la force, la capacité, le cerveau, hein, pour comprendre, le cœur, pour réfléchir. Donc t'as pas d'excuse pour de dire que tu veux pas le faire. C'est pas un argument, tu vois. Et donc le cheikh il dit, par rapport à ça, il dit قوله ونرى أنه لا حجة للعاصي على معصيته بقدر الله تعالى وهذا يحتج به العصاة كثيرا إذا نصحته قلت له هذا حرام وتكسب به آثاما قال العاصي هذا قدر الله قدر الله ولا أستطيع أن أرفع القدر فكيف تلومني فيحتج بالقدر فنقول لا حجة له على العاصي بقدر الله لأن العاصي يقدم على فعل المعصية باختياره من غير أن يعلم أن الله قدرها عليه إلا بعد الوقوع يعلم أن الله قدرها عليه ولكن قبل ذلك لا يعلم فنقول أنت أقدمت على المعصية قبل أن تعلم أن الله قدرها عليك فكيف تحتج بشيء ليس حجة لك إذن لا حجة له على المعصية بالقدر. Hein? Donc le cheikh il dit, pour résumer, qu'est-ce qu'il explique ici? Le cheikh il dit, il n'y a pas d'argument pour la personne qui fait un péché ou qui refuse de faire ce qui est obligatoire en utilisant le qadar, hein? Parce que la personne qui fait le péché, elle fait ce péché-là de son plein gré, sans savoir que Allah l'a prédestiné pour lui, excepté après, hein, que la chose s'est produite. Une fois que la chose s'est produite, là, tu peux dire que c'est le qadar. Hein? Si par exemple, il y a quelqu'un, il a planifié qu'il va aller voler une banque ou voler une bijouterie. Hein? Puis il te dit, ça c'est mon plan, puis je vais aller voler la banque. Tu lui dis, ah, ça c'est haram. Il dit, oui, mais ah, ça c'est le qadar. C'est le qadar. Hein, je dois faire ça, c'est le qadar. Allah, il a prédestiné ça. Mais yani, comment tu peux dire que c'est le qadar avant même que la chose soit faite? peux pas dire que quelque chose a été prédestiné avant que la chose se soit produite. Sinon, ça prouve que ça, c'est toi qui décides de faire, c'est toi qui veux le faire. Hein? Une fois que la chose s'est produite, là, tu peux dire, oui, Allah l'a prédestiné. Mais encore là, est-ce que ça veut dire qu'Allah l'aime et qu'il est satisfait de ça? Non. C'est pour ça que tu dois t'en repentir. Si jamais tu as commis le péché, tu dois demander pardon à Allah de l'avoir commis et avoir des regrets, hein, de l'avoir fait. Et réparer le tort que tu as causé. Ça, c'est des conditions pour la repentance. Donc, le cheikh, il dit, donc, avant que le péché, hein, lorsque tu as décidé d'aller vers le péché, hein, avant de savoir que c'est quelque chose que Allah a prédestiné. Comment tu peux l'utiliser comme le qadar comme argument alors que tu sais même pas quelque chose que si quelque chose va se produire ou non. Peut-être que toi tu veux faire ça et que ça va même pas se produire. Hein? La personne qui part pour aller faire un crime ou un péché, puis au moment où elle arrive pour le faire, finalement il arrive quelque chose qui fait qu'elle n'est pas capable de le faire. Hein? Elle est obligée d'abandonner son plan. Donc ça, c'est la preuve que Allah, il l'avait pas prédestiné. Hein? Dans ce cas-là, il ne peut pas le faire. Ou bien que l'affaire, il y en a, comme le cheikh dit, tu ne peux pas utiliser le qadar comme argument pour quelque chose avant que la chose se produise et tu n'as aucune science de ce que Allah a prédestiné. Donc, il n'y a pas d'argument pour toi. Et il dit, وَذَكَرُوا أَنَّ عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ قَدَّمَ إِلَيْهِ سَارِقٍ. Donc, ça, c'est l'exemple du voleur que je vous ai mentionné tout à l'heure avec Omar ibn al-Khattab. Il a utilisé le qadar comme excuse. C'est Allah qui a voulu que je vole. C'est le qadar. Et Omar lui a dit, c'est le qadar que je te coupe la main. Donc il dit, yani, fahtajja alayhi bimithli mahtajja alayhi bihi. Donc il dit que Omar ibn al-Khattab, dans cet exemple-là, il a deux arguments. L'argument, hein, d'utiliser le qadar, qui est le fait que la chose s'est produite, et il réfute la personne qui a ramené cette shubha, hein, en utilisant le qadar, et il a l'argument aussi de la législation divine qui a légiféré justement que pour celui qui a volé, on coupe la main. Hein? Donc on coupe sa main par là. Législation d'Allah. Biqadarillah. Walakin idha saraqa faqad saraqa biqadarillahi la bishara'illahi. Hein? Donc ça c'est des exemples. Après le cheikh il dit id la ya'lamu ahadun qadar Allah illa ba'da wuqu'i maqdurihi wa ma tadri nafsun bi ayyi ard hein? Wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan. Donc personne ne peut savoir. Personne ne peut savoir ce que Allah a prédestiné, excepté après que ce que Allah a prédestiné se soit produit. Et le Cheikh Ibn Uthaymin, il dit, قوله إذن, donc, فلا أدري. Oui, c'est ça. Il mentionne le verset 34 dans Sourate Luqman, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, aucune âme ne sait ce qu'elle va acquérir demain. Et le Cheikh, il dit, فلا أحد يدري ماذا يكسب غدا. ولكن يقدر يقول غدا سوف آتي للدرس وأقرأ الكتاب الفلاني وسوف أراجع محفوظاتي وسوف أراجع مقرراتي وما أشبه ذلك ولكن لا يعلم أنه كاسبه لأنه لا يمكن أن يكون كاسبا له حتى يعمله فعلا ولذلك يقول الله عز وجل وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ونحن نقدر ها ونقدر واذا بالقدر على خلاف ما قدرنا فيحال بيننا وبين ما قدرنا اما بنقض العزيمه وانصراف العزيمه الى شيء اخر واما بحدوث سبب يقتضي ان لا نفعل ما كنا قدرناه ولهذا قال الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. Donc le cheikh il explique que aucune âme ne sait ce qu'elle va acquérir demain. comme Allah le dit dans le verset. Sauf que si par exemple toi tu veux, tu peux, yani tuqaddir. En arabe on dit tuqaddir dans le sens que yani tu c'est comme si dans le sens tu envisages de faire quelque chose ou tu planifies de faire quelque chose. Toi tu planifies que demain je vais reviser mes cours, je vais étudier. Hein, mes livres, je vais réviser ma mémorisation, je vais regarder le mushaf, je vais lire les organiser mes affaires et ainsi de suite. Et il dit, sauf que tu sais pas si réellement tu vas le faire ou non. Hein? Donc il dit, fa'innahu la yumkinu an yakuna kasiban lahu. Donc tu peux pas savoir si tu vas réellement acquérir cette chose-là que tu veux faire jusqu'à ce que tu les fasses réellement. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit, tu sais pas, aucune âme ne sait ce qu'elle va acquérir demain. Et il dit donc, nous on planifie des choses, comme en français les gens ils disent, l'homme propose, Dieu dispose. Hein? C'est-à-dire les êtres humains ils planifient des choses, mais c'est Allah qui décide. C'est Allah qui décide à la fin. Et donc il dit, peut-être que toi, tu décides ou tu planifies de faire quelque chose, puis finalement, qu'est-ce qui arrive? C'est contraire à ce que toi, tu as voulu. Parce que soit il y a quelque chose qui t'empêche de faire ce que tu voulais faire, ou bien que tu perds la détermination ou la motivation de le faire, ou bien il arrive quelque chose qui fait que tu n'es pas capable de le faire. Yani, combien de fois ça m'est arrivé, par exemple, que j'avais planifié, j'ai dit, ah, aujourd'hui, je fais telle chose. Hein, j'avais planifié par exemple l'autre jour que je devais faire tel dars. Puis ce jour-là, yani, c'est le jour où ma petite fille est née. Hein? Donc il fallait aller à l'hôpital pour l'accouchement. Même si moi j'avais planifié que j'allais faire le dars, mais je ne pouvais plus faire le dars dans une situation comme ça. C'est quelque chose qui n'était pas planifié ou qui n'était pas calculé. Mais quand des choses comme ça arrivent, c'est des choses qui viennent changer tes plans. Et il y a plein de choses comme ça. Hein? Toi, par exemple, tu n'avais pas planifié d'aller, par exemple, supposons que tu n'avais pas planifié d'aller, par exemple, dans ton pays d'origine. Hein? Puis, quelqu'un t'appelle et t'annonce une mauvaise nouvelle, qu'il y a eu un décès, par exemple. Donc là, qu'est-ce que tu fais? Tu t'achètes un billet d'avion, tu pars dans ton pays d'origine tout de suite pour aller à la janaza de ton proche. Hein? Donc, toi, tu avais dit, bon, je ne vais pas partir dans mon pays sauf dans 2 ans. Parce que là, je veux économiser mon argent, puis je ne veux pas dépenser, je vais attendre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a écrit autre chose. Donc ça, tu vois, c'est des choses qui arrivent. Ça, c'est le qadar. Hein? Et tu ne peux pas savoir qu'est-ce qui va arriver, excepté une fois que la chose s'est produite. Hein? Donc il dit c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran dans sourate Al-Kahf ne dis pas d'une chose je vais faire ça demain excepté en rajoutant que si Allah le veut je vais le faire de dire toujours Insha'Allah hein. Ensuite le cheikh il dit walakin law qulta dhalika ala sabab al-ikhbar hein. وهنا فرق دقيق فهل يلزم أن تقول إن شاء الله يعني إذا قال لك إنسان هل تسافر غدا قلت نعم وأنت لا تريد أنك تسافر فعلا وإنما تريد غدا يعني حسب ما في نيتك فهذا يجوز دون أن تقول إن شاء الله لأنه إخبار عما في نفسك وما في نفسك يعني أمر واقع لا يحتاج أن تقول إن شاء الله لأن الله قد شاءه أما إذا قلت أسافر غدا بمعنى أني أفعل السفر فلا بد أن تقول إن شاء الله ولهذا جاءت الآية الكريمة لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا يعني فاعله فعلا فانتبه لهذا الفرق إذن لا بد من ذكر المشيئة إذا أردت الفعل أما إذا أردت الإخبار عما في نفسك فلا يحتاج إلى ذكر المشيئة لأن الله قد شاءه وأوقعه في نفسك. Donc ici le cheikh il fait une petite nuance, il mentionne le fait que si par exemple quelqu'un te demande Il dit par exemple, est-ce que tu vas voyager, est-ce que tu penses voyager demain? Par exemple, est-ce que tu penses voyager demain ou est-ce que tu veux voyager demain? Et la personne a dit oui. Il dit dans une question pareille, tu n'as pas besoin de dire Inch'Allah parce que ici, c'est seulement une information par rapport à qu'est-ce que tu as en ton intention, ton cœur de faire. Hein? Et tandis que si tu dis par exemple, demain je vais voyager, là tu dois dire Inch'Allah parce que c'est l'action que tu mentionnes que tu veux faire cette action-là, tu veux voyager réellement. Tandis que lorsque tu dis, si je te dis par exemple, est-ce que tu voyages demain ou est-ce que tu penses voyager demain, et que tu dis oui, eh bien là c'est quelque chose, yani, que tu es en train d'exprimer ce que tu as en toi-même. Oui, j'ai l'intention de voyager demain. Donc c'est quelque chose que Allah a voulu déjà parce que c'est une intention que tu as en toi-même. Donc tu l'exprimes seulement. Donc tu n'as pas besoin dans ce cas-là de dire Inch'Allah. Puisque c'est quelque chose qui est déjà là. Donc il faut juste remarquer yani, cette distinction-là entre la volonté de faire quelque chose ou l'intention que tu as en toi-même de vouloir faire quelque chose et tu dis oui, j'ai l'intention de voyager demain. Donc en fait tu dis pas oui, je vais voyager demain, mais oui, j'ai l'intention de voyager demain. Tandis que dans l'autre cas, tu dis je voyage demain. Alors là, c'est l'action. Et c'est pour ça que dans le verset, dans Sourate Al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne dis pas à propos d'une chose, je vais la faire. Donc c'est l'action ici. Hein? C'est pour ça qu'à ce moment-là, quand c'est l'action qui est concernée, tu dois dire Inch'Allah. Naam. Il dit, وَلِذَلِكَ مَنَعَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَن تَقُولَ عَن شَيْءٍ فَعَلْتَهُ إِنِّي فَعَلْتُهُ إِن شَاءَ اللَّهُ. كقوله أنا لبست ثوبي إن شاء الله ولكن لو قال بعد الصلاة إن شاء الله فهذا يستقيم لأن الصلاة قد تنفع لانتفاء روحها وخشوعها مثلا فيقول إن شاء الله أي أنه صلى صلاة مرضية مرضية أو مرضية عند الله ولكن إذا أراد بقوله صليت أي يعني فعل فعلا فلا حاجة أن يقول إن شاء الله لأنه صلى فالحاصل أن قوله تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا يدل على أنه لا حجة للعاصي بقدر الله لأنه لا يدري ماذا قدر الله عليه فهو قد أقدم على شيء بمجرد هوى نفسه. Donc ici le cheikh il explique que yani, si quelqu'un, par exemple, il a déjà fait quelque chose, il a déjà fait une action, il n'a pas besoin de dire Inch'Allah, parce que l'action, elle a déjà été faite. Hein? Et il dit, par contre, si par exemple, tu as dit, est-ce que tu as prié, puis que tu dis, oui, Inch'Allah, j'ai prié, dans ce cas-là, c'est permis, dans le sens que la personne, elle veut dire par là que, peut-être qu'elle a, c'est vrai qu'elle a prié, mais elle a peut-être pas prié une prière complète et parfaite. Peut-être que dans sa prière, il manquait un peu de concentration ou il manquait un peu de recueillement ou des choses comme ça. Ce qui fait que sa prière, il n'aura peut-être pas la complète récompense pour ça. Alors, il dit Inch'Allah. Hein? Mais par contre, s'il a déjà prié, puis on lui demande est-ce que tu as prié, il n'a pas besoin de dire Inch'Allah dans ce cas-là parce qu'il a déjà prié. Ensuite, il revient au sujet et il dit donc ici, l'important de comprendre, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne dit pas d'une chose, hein, il dit plutôt, aucune âme ne sait ce qu'elle va acquérir demain. Ça prouve qu'il n'y a pas d'argument pour la personne qui fait un péché d'utiliser l'argument du qadar pour justifier ce qu'il a fait, puisque personne ne sait à l'avance ce que Allah a prédestiné. Hein, et que lui, il a l'intention de faire quelque chose ou il s'avance vers quelque chose qui est interdit et il est motivé uniquement par sa passion dans cela. Donc il dit, le cheikh Ibn Uthaymin à ce sujet-là, comment pourrait-il utiliser cet argument du qadar pour justifier son péché alors qu'il ne sait même pas yani, ce que Allah a prédestiné, excepté une fois que la chose s'est produite. لا يعلم المحتج بها حين إقدامه على ما اعتذر بها علي عنه وقد أبطل الله. Donc Allah il a détruit cette hujja, cet argument de la part des mushrikin dans le verset 148 dans sourate Al-An'am, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il dit hein, les mushrikoun, ceux qui ont fait le shirk, hein, ils vont dire yani, si Allah aurait voulu, nous aurions pas fait du shirk, ni même nos parents avant nous. Et on n'aurait rien déclaré comme étant interdit ou haram hein, de ce que Allah a permis. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il les réfute par la suite en disant, parce qu'eux, ils utilisent le qadar. Ils disent, si Allah n'aurait pas voulu, on n'aurait pas fait le shirk. Donc, ils utilisent le qadar pour essayer de, hein, d'excuser leurs actes de shirk qu'ils ont commis. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. C'est ainsi que ceux qui les avaient précédés ou qui étaient là avant eux hein, avaient menti jusqu'à ce qu'ils goûtent hein, à notre force, à notre châtiment. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète, dis au Muhammad, هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا. Est-ce que vous avez quelque chose, une science quelconque que vous pourriez sortir pour nous, pour établir ce que vous prétendez hein, que Allah a voulu que vous faisiez le shirk hein, ou qu'il était satisfait de votre part que vous faisiez le shirk ou que vous rendiez halal ce qui est, haram ce qui est halal ou des choses de ce genre. In tattabi'una illa dhann. Vous ne faites que émettre des conjectures hein, vous parlez sans aucune preuve. Hein, et vous ne faites que supposer des choses qui n'ont aucune hein, preuve et justification. Et c'est ce que le cheikh il explique ici. Il dit قوله نعم à propos de ce sujet. لقد أبطل الله تعالى هذه الحجة بقوله سيقول الذين أشركوا يعني إذا جادلتموهم في الشرك لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء يعني وهم قد حرموا السائبة والوصيلة والحام والبحيرة وكذلك قال الله تعالى مثل ذلك التكذيب كذب الذين من قبلهم لأنهم يحتجون بالقدر وهم يعلمون أنهم لا حجة لهم فيه ولكنهم يحتجون بذلك دفعا للمناظرة والمجادلة حتى ذاقوا بأسنا وهذه الجملة تدل على أنه لا حجة لهم ولو كان لهم حجة ما ذاقوا بأس الله ولكن الله عذرهم يعني ولكن الله عذرهم ولم ينزل بهم بأسه فدل على أن حجتهم باطلة وما الجواب عن قول الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا ما وما أنت عليهم بوكيل فجعل المشيئة عذرا في شركهم وفي آية أخرى أبطل هذا العذر والقرآن لا يتناقض فالجواب نقول قال الله تعالى ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم تسلية له حتى يرضى بشركهم ها؟ يعني قال الله تعالى ذلك تسلية له حتى يرضى بشركهم رضا قدريا لا شرعيا لأن الله تعالى قال قبل هذا اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا فذكر الله ذلك تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم حتى يرضى ويسلم بالقدر ولو أن المشركين احتجوا بمشيئة الله رضا بمشيئة الله ولكن أقلعوا عن شركهم لصحت حجتهم ولكنهم قالوا لو شاء الله ما أشركنا استمرارا على شركهم وهذا فرق دقيق يجب على طالب العلم أن يتنبه له فيقول الله تعالى فقول الله لو شاء الله ما أشركوا هي نفس القول المشركين لو شاء الله ما أشركوا ولكن بينهما فرق فالمشركون قالوا ذلك احتجاجا بقدر الله على معصيته والله قد ذكر ذلك تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم ورضا بقدر الله حتى لا يهلك فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. Donc ici, le cheikh, il mentionne un point qui est très important par rapport à ce verset-là qui mentionne l'argument des mouchriquins lorsqu'ils utilisent le qadar pour essayer de justifier le shirk qu'ils ont commis et ils essaient de justifier le fait d'avoir rendu haram ce qui est halal. Hein, ils ont interdit certaines bêtes pour, et parce qu'ils les ont consacrées à leurs idoles. Et par conséquent, ils disent « Non, cette bête-là, vous ne pouvez pas monter dessus » parce que ça, c'est pour notre idole, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ils disent que, yani, si Allah aurait voulu, yani, on n'aurait pas fait de shirk, ni nos ancêtres avant nous, et on n'aurait rien rendu haram de ce que Allah a, hein, a mentionné comme étant halal dans la révélation. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il les a réfutés dans le verset en question, en mentionnant qu'ils n'ont aucune science à ce sujet-là. Et yani, ensuite, il dit que cette même parole que les mouchriquins ont dit, si Allah aurait voulu, on n'aurait pas fait le shirk, Allah subhanahu wa ta'ala, il le mentionne lui-même dans un autre verset, le verset 107 dans Surat Al-An'am. L'autre verset, c'est le verset 147 dans Surat Al-An'am. Et dans le verset 107 dans Surat Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au messager, sallallahu alayhi wa sallam, si Allah aurait voulu, il n'aurait pas fait le shirk. Hein? Et on ne t'a pas envoyé sur eux comme un gardien. Hein, et tu n'es pas garant de ce qu'ils font. Hein, tu n'es pas garant d'eux. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans ce verset-là le qadar comme étant l'explication, comme si pour dire ils ont fait le shirk, si j'aurais voulu, ils ne l'auraient pas fait. Alors que dans l'autre verset, c'est les mouchriquins qui le disent. Et ils l'utilisent comme un argument pour justifier hein, ce qu'ils font. Quelle est la différence entre ces deux versets-là, quand c'est la parole des mouchriquins et quand c'est la parole d'Allah? Eh bien, le cheikh, il explique. Il dit que lorsque c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui il le dit à son messager pour le réconforter et pour qu'il ne soit pas pris de tristesse à voir le fait que les mouchriquins font le shirk et restent dans leur mécréance. Donc, il lui dit ça, non pas pour qu'il soit satisfait de ça selon la révélation, selon la religion, mais pour qu'il soit satisfait de ça par rapport au qadar. Et c'est pour ça que les ulama, ils ont mentionné, ils ont dit, lorsque tu regardes le pécheur, tu dois toujours le regarder du point de vue du qadar et du point de vue du shara. Et du point de vue du qadar, pour avoir pitié d'eux, parce que c'est Allah qui a prédestiné ça pour eux, mais en même temps, du point de vue du shara, parce que tu sais que Allah l'a interdit, qu'il a envoyé les messagers et qu'il a menacé ceux qui font cet acte-là et que s'ils meurent sur cet état-là, ils vont être dans l'enfer. Hein? Donc, il y a les deux aspects. Et ici, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala, il veut réconforter son messager en lui disant, écoute, ne te rends pas triste, ne te morfonds pas pour eux et ne sois pas attristé pour eux. Si Allah subhanahu wa ta'ala aurait voulu, il n'aurait pas fait le shirk. Et s'ils le font, c'est parce que ça, c'est quelque chose qui a été prédestiné, dans le sens que, par la sagesse d'Allah, Allah sait que ces gens-là, ils méritent hein, cela, puisqu'ils n'ont pas été sincères, ils n'ont pas été honnêtes avec lui. Et donc, par conséquent, ils se sont enfoncés dans la mécréance. Et la preuve, c'est que dans le verset qui vient avant, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Suis ce qui a été révélé sur toi de la part de ton Seigneur, il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté lui, et détourne-toi des mouchriquins. Si Allah aurait voulu, il n'aurait pas fait le shirk. Hein? » Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala lui mentionne ça pour le réconforter et pour qu'il soit satisfait de ce que Allah a prédestiné. Parce que il dit « Si les mouchriquins utilisaient le qadar dans cette signification-là, ce serait valide de leur part, ce serait valable de leur part, à condition, bien entendu, qu'ils se débarrassent du shirk et qu'ils arrêtent de le faire et qu'ils se repentent de l'avoir fait. Donc, wa alaykoum salam wa rahmatullah. C'est comme, par exemple, si moi je dis, par exemple, avant l'islam, j'étais chrétien et j'ai fait du shirk. Et ça, c'était par le qadar d'Allah. Qu'est-ce que je dis, c'est faux? Non, c'est vrai. Allah avait prédestiné que j'allais être dans le shirk et que j'allais être chrétien. Mais, par la suite, je me suis repenti du christianisme et je me suis converti à l'islam et j'ai accepté le tawhid. Et yani, par conséquent, si j'utilise le qadar et que je mentionne le qadar ici, c'est pas pour me justifier et pas pour trouver une excuse pour ce que j'ai fait dans le sens de l'acceptation ou de dire que Allah est satisfait de ça. Non, c'est pour mentionner que c'est quelque chose qui est effectivement prédestiné par Allah pour moi. Et par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala m'a guidé à l'islam. C'est comme Iblis, quand il a refusé de se prosterner à Adam, il aurait pu, quand Allah lui a demandé, yani, ma mana'aka an tasjud lima khalaqtu biyadayya, il aurait pu dire, astaghfirullah, hein, wa atubu ilayk. Je te demande pardon, je me repens à toi d'avoir refusé de me prosterner et je reviens à toi repentant. Mais il n'a pas voulu dire ça. Et au lieu de dire ça, il a dit, Rabbi bima arwaytani. Il a dit, oh mon Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur, hein, parce que tu m'as fait transgresser. Il a justifié il a essayé de se justifier par le qadar pour persister dans son péché. Au lieu de demander pardon et de reconnaître qu'il a eu tort. Et c'est ça la différence entre les deux, hein, entre les deux choses. Et donc ça, le cheikh dit, c'est une distinction qui est subtile, mais c'est obligatoire à la personne qui est un talib, qui recherche la science, de faire attention à ce genre de distinction-là. Hein? De voir que la parole, c'est exactement la même. Law sha Allahumma ashraku. Et dans l'autre verset, les mushrikines qui disent Law sha Allahumma ashraku. Mais entre les deux, il y a une grande différence. C'est qu'il y en a un qui l'utilise comme justification pour justifier le péché, et l'autre, Allah le dit pour réconforter son messager, pour qu'il soit satisfait du qadar et pour qu'il ne se morfonde pas pour eux. Comme il dit dans le verset 6 dans Sourate Al-Kahf, yani pour pas que ton âme soit remplie de tristesse, hein, à cause d'eux, du fait qu'ils n'ont pas cru en cette parole. Hein? Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera la semaine prochaine, bi'ilnillah, la suite de ce dars. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.